Chapitre 216. L'obligation formelle de s'acquitter de l'aumône, zakat, et son mérite. Allah Ta'ala dit: et accomplissez la salat et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Sourate 2, verset 43. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Sourate 98, verset 5. Prélève de leur bien une sadaqa, par laquelle tu les purifies et les bénis. Sourate 9, verset 103. 1206. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: l'islam est fondé sur 5 piliers. Témoigner qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Accomplir la salat, acquitter la zakat, l'aumône légale, accomplir le hajj, le pèlerinage, jeûner le mois de Ramadan. Al-Bukhari et Muslim. 1207. Talha ibn Ubaidillah, radiyallahu anhu, relate qu'un habitant du Najd vint chez le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les cheveux ébouriffés, élevant la voix et parlant de façon incompréhensible. Quand il s'approcha, il s'avéra qu'il s'informait sur l'islam. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui répondit: l'islam consiste à accomplir 5 prières par jour. Dois-je en accomplir d'autres? Demanda l'homme. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit: non, sauf si tu veux en accomplir d'autres volontairement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivit: il consiste également à jeûner le mois de Ramadan. Dois-je jeûner d'autres jours? Demanda-t-il. Le prophète alayhi salatu wa sallam répondit à nouveau: non, sauf si tu veux en jeûner volontairement. Quand le prophète alayhi salatu wa sallam mentionna l'aumône légale, la zakat, l'homme demanda: dois-je m'acquitter d'autre chose que cela? Le prophète lui répondit alayhi salatu wa sallam: non, sauf si tu veux faire une aumône volontaire. L'homme s'en retourna alors en disant: je jure par Allah que je n'ajouterai ni ne diminuerai rien à cela. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit alors: s'il dit vrai, il obtiendra le succès. Al-Bukhari et Muslim. 1208. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, a envoyé Mu'adh, radiyallahu anhu, au Yémen en lui recommandant ceci: invite-les d'abord à témoigner qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que je suis le messager d'Allah. S'ils t'obéissent en cela, alors informe-les qu'Allah leur a prescrit 5 prières quotidiennes. S'ils acceptent, informe-les qu'Allah leur a imposé une aumône, la zakat, prélevée sur les biens de leurs riches et distribuée à leurs pauvres. Al-Bukhari et Muslim. 1209. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la salat et s'acquittent de la zakat. S'ils font cela, alors ils n'ont rien à craindre de ma part, ni pour leur personne, ni pour leur bien, hormis ce qu'impose l'islam, et c'est Allah Ta'ala qui leur demandera des comptes. Al-Bukhari et Muslim. 1210. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte ceci: lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, rendit l'âme et qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, devint calife, certaines tribus arabes apostasièrent. Omar, radiyallahu anhu, fit alors remarquer à Abu Bakr: comment peux-tu combattre ces gens alors que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné: il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Celui qui atteste de cela n'a à craindre de ma part, ni pour ses biens, ni pour sa personne, hormis ce qu'impose l'islam, et c'est Allah qui lui demandera des comptes. Abu Bakr, radiyallahu anhu, répondit: par Allah, s'il refuse de me verser ne serait-ce qu'une lanière qu'il donnait au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, je les combattrai. Omar dit alors: par Allah, je compris qu'Allah avait inspiré à Abu Bakr la nécessité de combattre, et je sus alors qu'il avait raison. Al-Bukhari et Muslim. 1211. Selon Abu Ayyub, radiyallahu anhu, un homme demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, « Ô messager d'Allah, indique-moi des œuvres qui me fassent entrer au paradis. » Le prophète, sallallahu alayhi wasallam, dit « Adore Allah sans rien lui associer dans son adoration. Accomplis la salat, acquitte-toi de l'aumône obligatoire, zakat, et maintiens les liens du sang. » Al-Bukhari et Muslim. 1212. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, un bédouin vint interroger le prophète, alayhi salatu wassalam. Ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fasse entrer au paradis. Le prophète, sallallahu alayhi wasallam, lui répondit, adore Allah sans rien lui associer dans son adoration, accomplis la prière obligatoire, acquitte-toi de l'aumône légale, zakat, et jeûne le mois de Ramadan. Le bédouin dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, je n'ajouterai rien à cela. Quand il s'en alla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque désire voir l'un des habitants du paradis, qu'il regarde celui-ci. » Al-Bukhari et Muslim. 1213. Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu a dit « J'ai fait serment au messager d'Allah alayhi salatu wassalam d'accomplir la salat, de m'acquitter de la zakat et de donner conseil à tout musulman. » Al-Bukhari et Muslim. 1214. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque possède de l'or ou de l'argent et n'en acquitte pas la zakat sera marqué au flanc, au front et au dos le jour de la résurrection par des plaques de feu. Chaque fois qu'elles se refroidiront, elles seront à nouveau portées à incandescence tout au long d'un jour dont la durée est de 50 000 ans. Puis, Allah jugera entre ses serviteurs et à chacun sera indiqué sa destination, soit au paradis, soit en enfer. » On demanda, « Ô messager d'Allah, qu'en sera-t-il des chameaux ?» Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Quiconque ne s'acquitte pas de la zakat sur ses chameaux, y compris le fait de les traire pour en distribuer le lait le jour où ils vont à l'abreuvoir, sera jeté à terre dans une vaste plaine désertique le jour de la résurrection, puis piétiné et mordu par tous ses chameaux, plus imposants que jamais, qui se succéderont sans cesse et sans qu'il en manque un seul, si petit soit-il. Et ceci dans un jour dont la durée est de 50 000 ans, jusqu'à ce qu'Allah juge entre ses serviteurs et que leur soit indiquée leur destination, au paradis ou en enfer. » On demanda, « Ô messager d'Allah, qu'en sera-t-il des vaches et des moutons ?» Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Quiconque ne s'acquitte pas de la zakat sur ses vaches et ses moutons sera le jour de la résurrection, jeté à terre dans un vaste désert, puis encorné sans qu'il y ait d'animal sans cornes aux cornes cassées ou arrondies, et piétiné par tous ces animaux, se succédant sans cesse. Et ceci, au cours d'un jour dont la durée est de 50 000 ans, jusqu'à ce qu'Allah juge entre ses serviteurs et que leur soit indiquée leur destination, au paradis ou en enfer. » On demanda, « Ô messager d'Allah, qu'en est-il des chevaux ?» Il dit, alayhi salatu wassalam, les chevaux sont de trois sortes. Pour certains, ils sont un lourd fardeau, pour d'autres, une protection, et pour d'autres, enfin, une source de récompense. Un lourd fardeau pour celui qui les conserve par ostentation, fierté et animosité envers les musulmans. Une protection contre la pauvreté pour celui qui les conserve pour Allah, mais sans oublier les droits d'Allah sur leur dos et leurs encolures. Une source de récompense pour celui qui les entretient pour le djihad des musulmans dans une prairie ou un champ. Il est alors récompensé pour tout ce qu'il mange dans cette prairie ou dans ce champ et pour chacun de leurs crottins et chacune de leurs urines. Puis s'il tourne autour de leurs liens une ou deux fois, il est récompensé pour chacune des traces laissées par leurs sabots et chacun de leurs crottins. S'ils traversent une rivière et qu'ils y boivent, il est récompensé à hauteur de ce qu'ils boivent, même s'ils n'avaient pas l'intention de les abreuver. On demanda, « Ô messager d'Allah, qu'en sera-t-il des ânes ?» Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Rien ne m'a été révélé à ce propos, à part cet unique verset à la portée générale. Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. » Sourate 99, versets 7 et 8. Al-Bukhari et Muslim, dont c'est la version. 1215.